إذا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Très vite, al-Mutun, dans une daoura, dans un séminaire, il arrive à enseigner une dizaine de Mutun. Fadlullah yu'ti man yasha. Allah donne ses mérites à qui il veut, les faveurs à qui il veut. Et un jour, dans un de ses séminaires, il a enseigné un grand poème de l'Hafid al-Hakami. Sulam al-Wusul, il a ilm al-Wusul, un grand poème. Et à un moment, il y allait avoir la récitation du poème, que je vous recommande d'écouter. Vous pouvez l'écouter, elle est sur le net. Un de ses élèves, c'est un sheikh doctor, qui a lu al-Matn, al-Manzouma, Sulam al-Wusul, il a ilm al-Wusul. Et pour la lecture du Matn, d'une lecture. Vraiment, vraiment, mashallah, muwaffaq. Une très belle lecture. Et lorsqu'on l'écoute, on a envie de l'écouter, de la réécouter, de la réécouter. Et vous pouvez apprendre ensuite le poème. C'est un long poème. Ensuite, il y a eu un grand charh, une grande explication. Et justement, à la lecture de la manzouma, il a demandé qu'on éteint tout. Vous avez vu, au haram, c'était dans la mosquée du prophète. Au haram, il y a les caméras, c'est enregistré, tout ça. Il a demandé au responsable de tout éteindre, les enregistrements, de tout éteindre. Enfin la radio, puisque ça a été filmé, ça a été enregistré, et maintenant c'est la radio, ils l'ont éteinte. Et il a dit, ça c'est le mérite de celui qui est présent par rapport à celui qui est absent. Et ensuite, Sheikh Doctor, c'est un Sheikh, hein, quelqu'un qui a un doctorat, il a récité Al-Manzouma, subhanallah. Une récitation, je vous recommande, vous tapez... منظومة السلم الوصول إلى علم الوصول et vous allez tomber sur Cheikh Al-Othaymi et vous allez tomber sur la récitation, une très très belle récitation de la manzouma. Al-Muhim, on reprend. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu ala Nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Vous avez un peu mieux compris avec l'exemple, le simple exemple, je ne sais pas si on peut donner cet exemple comme cela, mais en tout cas ce simple exemple, vous avez pu comprendre avec l'exemple précédent que je vous ai donné. On est dans ce que vous voulez, l'indication. Mais dans ce qui arrive dans l'explication, dans le reste du chapitre, vous allez comprendre le pourquoi de l'importance de cela, de connaître cela. Alors dans la dernière assise, hier on s'est arrêté, lorsque l'auteur nous a fait part d'une faïda très pertinente, lorsqu'il a cité le verset 187 de la sourate al-Baqarah, le verset concernant au jeûne. Le jeûne. Et on avait cité deux questions. Le fait de se réveiller en état de jeûne et en état de janaba. Wa huwa junub. Et le fait aussi d'être, après le Fajr, rassasié, Shab'an. Et l'auteur avait dit que les deux choses sont permises, et ça n'annule pas le jeûne. Le fait d'être rassasié, d'avoir le ventre plein par exemple, un bon matin, par exemple, après le Fajr, ou bien le fait d'être en état d'impureté majeure, Janaba, après le Fajr, que cela n'annulait pas le jeûne et que cela était permis. Comment Ashir a répondu à cette question? Il a répondu avec le verset justement dans Sourate al-Baqarah, le verset 187. Lorsqu'Allah dit, à ce moment, une traduction relative qu'on avait mentionnée hier, à ce moment, vous pouvez vous rapprocher d'elle, c'est-à-dire avoir des rapports avec vos épouses. Et mangez et buvez jusqu'à ce que apparaisse à vous clairement le fil blanc du fil noir, c'est-à-dire al-fajr, l'aube. Ensuite, complétez votre jeûne. Complétez votre jeûne. Ici, est-ce que c'est stipulé que la personne, donc, après le fajr, qu'en est à janaba? Cette question-là, est-ce qu'elle est stipulée dedans, d'une manière apparente? Non. Est-ce que on pourrait répondre à cette question comme ça, de manière apparente? Ou bien, le fait d'être après le fajr, shab'an. Est-ce que de manière apparente, on a la réponse? Ni al-junub, ni al-ladhi shab'a, al-shab'an, et évoqué clairement dans le verset. Pourtant, Shir, qui est un faqih, qui est un juriste, il a répondu, et la preuve, c'est ce verset. Pourquoi? Parce que c'est indiqué. Il y a une indication. C'est pas forcément cité clairement, mais c'est indiqué. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal a dit, vous pouvez vous approcher d'elle à ce moment, c'est-à-dire, وَبَشِرُهُنْ, et boire et manger. Ça sous-entend quoi? Ça indique quoi? Jusqu'à l'apparition de l'aube, du fajr. Ça sous-entend quoi? Que la personne jusqu'au fajr peut avoir un rapport. Et donc ça sous-entend que au fajr, fawa junub. Ça indique cela. Ça implique, ça peut impliquer cela. Donc il dit, ça veut dire que c'est pas interdit. Et ça n'annule pas le jeûne. Comme Allah Azza wa Jalla aussi dit, Wakulu washrabu, et mangez et buvez jusqu'à l'apparition de du fajr. Donc ça veut dire qu'après le fajr, il peut être rassasié. Ça sous-entend qu'il peut être rassasié. De ce fait, vous avez vu comment le shir, pourquoi il dit ensuite dans l'écrit de comprendre la science des implications. Vous allez comprendre la science des implications d'une question, d'un texte plutôt, d'un argument. Les savants ont réussi à extraire, à comprendre différentes questions et répondre à différentes questions. Et répondre à différentes questions. C'est ça qu'il va dire Ash-Shir. Il dit « وَدَلَالَةُ الْإِلْتِزَامِ مُفِيدَةٌ جِدًّا لِطَالِبِ الْعِلْمِ إِذَا تَدَبَّرَ الْمَعْنَى وَوَفَّقَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَهَمًا لِلتَّلَازُمِ فَإِنَّهُ بِذَلِكَ يَحْصُلُ مِنَ الدَّلِيلِ الْوَاحِدِ عَلَى مَسَائِلٍ كَثِيرَةٍ. Et c'est pour ça que l'auteur dit, ensuite, là on est dans le metn. Maintenant je commence à continuer dans la lecture du metn. C'est pour ça qu'il dit, la signification par implication, vous avez vu, dalalat al-iltizam. Maintenant on peut rester sur le terme en arabe. Apprenez bien cela. Parce que là on n'est pas dans une assise, on se fait du rappel. Là je vais éviter de faire du rappel. Si vous êtes là et on écoute Qawaid al-Muthla, c'est-à-dire que vous êtes des gens qui écrivaient, qui notaient, qui apprenaient, qui apprennent. Ça, c'est un metn pour les talabat al-ilm, pour des étudiants, ceux qui veulent s'approfondir. Sauf que nahnu fi bidayat al-khat, bidayat al-tariq. En vérité, on est au début du chemin. Là, on étudie Qawaid al-Muthla, on est au début du chemin. Puisqu'ensuite, il y a l'étude al-aqidat al-wasitiyya, par exemple, comme on l'avait relaté. Al-Hamawiyya, Al-Tadmuriyya, Al-Majmu' al-Fatawa. Là, on commence. Al-Lum'at al-I'tiqad, par exemple, des livres à étudier. Là, fil asma wa sifat, on est fil bidayat al-tariq. On est au début, on commence le chemin. Et donc, si vous êtes là, ça veut dire que vous êtes là pour apprendre les termes. Vous êtes là pour apprendre les termes. Donc, il faut l'apprendre, ce terme-là. Dalalat al-iltizam, c'est très important. Dalalat al-mutabaqa. Il faut apprendre. C'est très important. Parce qu'on est là pour ça. Et ça me rappelle un jour, le grand savant Cheikh Saleh Al-Sheikh, il enseignait Kashf al-Shubuhat. Kashf al-Shubuhat. Le célèbre écrit du grand imam Al-Muslih. Et il s'est adressé à ses élèves. Il a demandé que tous ceux qui n'ont pas étudié Al-Usul al-Thalatha ou Kitab al-Tawhid Bisharh, avec un commentaire qu'ils n'ont pas bien étudié. Alors, je vous laisse imaginer, on est fait le même laka à l'époque, donc, et le shir n'enseigne pas à Mecca ou le Médina. Le shir enseigne à la capitale de le même laka. Parce que Mecca ou Medina, donc il y a beaucoup d'étrangers, il peut y avoir des débutants qui viennent d'être acceptés à Al-Jamia Islamia, mais là, il est plus à la capitale. Il est au Najd. Donc en général, c'est les Talabat al-Ilm al-Mutamakkinin, là-bas. Et il dit, celui qui n'a pas étudié Al-Usul al-Thalatha, et qui n'a pas étudié Kitab al-Tawhid, yu'maru, il lui est ordonné, Allah yahdur. Et vous pouvez revenir, c'est un audio, le livre a été retranscrit, il a été écrit, Walillah al-Ham, son commentaire, et il y a les audios. Vous pouvez revenir à l'audio de la Muqaddima, et il dit, il leur est ordonné de ne pas assister. De ne pas assister. Pourquoi ? Parce qu'il dit que Kashf al-Shubuhat, c'est le livre le plus compliqué. C'est l'écrit et l'œuvre la plus compliquée parmi les œuvres de Shir, de l'auteur. C'est la plus compliquée, Kashf al-Shubuhat. Et il dit donc, ça va être que des Shubuhat. Et il dit, si le talib n'a pas compris la réponse à la Shubha, cette ambiguïté va rester dans son cœur. Et il dit, c'est pas ça qui est demandé. Alors, tout au long de l'explication du livre, à un moment donné, certains élèves se sont plaints et ont dit, eh, Cheikh, il y a certaines choses, il y a beaucoup d'explications, de détaillés, que parfois certains n'ont pas tout compris. Et Cheikh, il a dit comme ça, Laysa mushkilati. Il a dit, ce n'est pas mon problème. J'avais dit que ceux qui n'ont pas le niveau de ne pas insister. De ne pas insister. Alors imaginez-vous, c'est pour Al-Kashf al-Shubuhat. Et ça, c'est très important. Et je recommande vivement les frères, vraiment, Hadi Nasihatou li Nafsi, de revenir à ce commentaire-là, de Kashf al-Shubuhat. Parmi les contemporains, c'est l'un des meilleurs commentaires qui a été fait. Très très beau commentaire. En tout cas, fait ilm. Al-Tawhid al-Uluhiyya ou Al-Tawhid al-Ubudiyya, le Shir est vraiment, selon ses écrits et les cours qu'il a dispensés, fil aqida, il a même été surnommé à l'époque le petit Taymiyyah de l'époque. Le petit Ibn Taymiyyah de l'époque. Il a des explications, surtout Kashf al-Shubuhat, je recommande aux frères d'étudier ce commentaire-là. Avec le commentaire, bien sûr, d'autres grands savants contemporain. Donc on revient à notre étude. Donc Dalalat al-Iltizam, il dit, elle est très importante pour l'étudiant en science. Lorsqu'il réfléchit au sens, il dit, yatadabbar al-ma'ani, les sens, et qu'Allah lui permet de comprendre la signification implicite, vous avez compris, la signification implicite, c'est la traduction de Dalalat al-Iltizam. La signification implicite, elle n'est pas explicite. Elle n'est pas claire. Comme on a dit que la personne est, après le Fajr, en état de Janaba, c'est pas cité clairement dans le verset, mais d'une manière implicite, on comprend que ça n'annule pas le jeûne. L'étudiant obtient avec un seul argument plusieurs données, plusieurs masa'il. Ils ont traduit masa'il par données, plusieurs en réalité questions, problématiques, avec un seul argument. Parmi les causes que les savants étudient, ce qu'on appelle usul al-fiqh, al-usul, c'est justement les principes de la jurisprudence nous permettent, à la lecture des textes, de pouvoir comprendre, déduire, mettre en lumière ce que font les savants, ils appellent ça l'istinbat, mettre en lumière des enseignements à travers les textes. Celui qui n'a pas étudier, par exemple, au sol al-fiqh, ne pourra pas faire les stinbat. Mettre en lumière les enseignements qui sont dans les textes, par exemple. Et cette faïda, vous pouvez la retrouver dans Kitab Tawdih al-Ahkam, le commentaire de Bulugh al-Maram de Sheikh Abdallah al-Bassam, rahimahullah ta'ala. Je vous recommande aussi l'introduction du livre. Il y a quelques pages, une bonne partie de pages, où l'auteur mentionne les quatre sciences. On avait déjà mentionné dans des assises, on ne va pas les répéter. Quatre sciences dont l'étudiant a besoin pour pouvoir faire justement istinbat des textes. Et comme là, il va enseigner un livre dans le hadith, un recueil de hadith, Al-Bulugh, donc il dit que pour extraire les enseignements, faire l'istinbat, mettre en lumière les enseignements qu'il y a dans les paroles ou les récits du prophète, il faut la connaissance de Mustalah al-Hadith, al-Qawaid al-Fiqhiyya, wa Usul al-Fiqh, wa Maqasid al-Sharia. Il faut la connaissance de ces quatre domaines, ces quatre sciences. Vous avez vu, Usul al-Fiqh, c'est l'une de ces quatre. Il dit, il faut la connaissance de Mustalah al-Hadith, Qawaid al-Fiqhiyya, Usul al-Fiqh, wa Maqasid al-Sharia. Et ce qui est impressionnant, dans son introduction, il va faire un détaillé très résumé des quatre sciences. Très pertinent. C'est-à-dire, celui qui lit dans son introduction, il va avoir un bon détaillé, sommairement, sur Mustalah al-Hadith, sur Qawaid al-Fiqhiyya, sur Usul al-Fiqh et sur Maqasid al-Sharia. C'est vraiment très pertinent. Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, il avait un élève. Un de ses élèves célèbres, c'était l'imam du Markez. À l'époque, Cheikh Muqbil, à l'époque, dans son Markez, il y avait un imam, c'était l'un de ses élèves. Il s'appelait Cheikh Ahmed al-Wasabi. Il est célèbre là-bas, il fait partie des mashayikhs. Il fait partie des mashayikhs là-bas. Ce n'est pas Cheikh Mohammed Abdelob al-Wasabi. Mais ils sont de la même Kabila. Et Cheikh Ahmed al-Wasabi, c'était l'imam. C'était l'imam du Markez. Et il était en quelque sorte aussi le directeur. Puisque c'est lui qui s'occupait de tout ce qui était la direction. Et Cheikh Ahmed al-Wasabi, c'était un cheikh. Il était Hafid Qur'an. Il avait une très très belle récitation. Il était connu pour sa récitation. De ce fait, cheikh l'a nommé. Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, rahmatullah alayhi, l'avait nommé imam. Et il était Hafid al-Bukhari wa Muslim. C'était célèbre. Il maîtrisait le Bukhari wa Muslim. Et souvent, les talabat al-ilm, souvent, allaient lui poser des questions. Ou lorsqu'ils avaient d'autres soucis d'ordre de la vie quotidienne, ils allaient lui rendre visite. Il était très très ouvert. Et un jour, des frères lui ont rendu visite pour lui poser des questions. Et il était connu, il avait son petit matelas par terre, avec des livres autour de lui. Des livres autour de lui. Et juste à côté de lui, à côté de sa tête, où il faisait ses siestes, il avait la muqaddima tawdih al-ahkam. Cette muqaddima que je vous dis de Cheikh Abdallah al-Bassam. Il avait cette muqaddima juste à côté de lui. La muqaddima, c'est-à-dire, c'est le premier volume. Dans le premier volume, il y a une partie, c'est la muqaddima, c'est l'introduction. Et ensuite, ça commence l'explication du livre al-Bulugh. Du livre Al-Bulugh. Là, on reprend vraiment là. Alors, c'est pour ça que Cheikh dit, ça c'est très important, la connaissance de Dalalat al-Iltizam. Il s'avère être véritablement un signifié implicite. Donc là maintenant, c'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Il continue Cheikh et regardez ce qu'il va dire. Avant qu'on reprenne ça, Cheikh a donné un exemple que je voulais vous faire partager pour comprendre le significatif implicite de Dalalat al-Iltizam. Le plus simple, l'indication par implication. Lorsque vous lisez l'introduction, ils disent la signification implicite aussi. Quand ils disent la signification implicite, sachez que c'est Dalalat al-Iltizam. C'est par implication. L'indication par implication. Regardez, il va nous donner un exemple clair. Très simple que je vais vous résumer pour qu'on puisse avancer. C'est lui-même l'auteur, Cheikh Ibn Uthaymeen, qui le donne. Il dit par exemple, quelqu'un qui innove dans la religion, ça implique que pour lui la religion n'est pas complète. Parce qu'il fait des nouvelles choses dans la religion. Donc, il rajoute. Alors qu'Allah dit, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Lui, celui qui innove, celui qui fait des choses que le prophète sallam n'a pas faites, ibtada'a fid din. Est-ce que lui, lorsque yabtadir, il le dit ça? Il dit par exemple que pour lui, ça sous-entend que la religion, ça implique que la religion n'est pas complète. Il ne le dit pas. Mais nous, on le déduit par implication. Pour nous, ça indique. S'il fait quelque chose dans la religion que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait, pour nous, même si lui ne le dit pas, mais son acte implique, yeltazim, Dalalat al-iltizam, ça implique que pour lui, la religion n'est pas complète. Et ça implique quelque chose d'autre, même s'il ne le dit pas. لكن هذا الفعل يدل على هذا بالالتزام. Même s'il ne le dit pas. Et ça implique aussi que pour lui, le prophète sallam n'a pas tout enseigné. Ça implique. Ça fait partie des lawazim de son action. Regardez ce que dit Shir. قال أولا إن لازم ابتداعك هذا أن يكون الدين ناقصا. Lorsque la personne innove dans la religion, l'azim, ça implique, il y a une indication d'implication, même si lui ne le dit pas directement, mais ça implique que la religion n'est pas complète. Et là, on lui dit, alors toi, là, tu es en train de la parachever, de la compléter, alors. Et ثانياً, إن لازم ابتداعك هذا أحد أمرين ولا بد إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جاهلا بأن هذه عبادة وإما أن يكون عالما وكتمها. C'est ce qu'il dit. Deuxièmement, il dit ça va impliquer quelque chose d'autre. Que alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'adoration que tu fais, que lui n'a pas fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc n'en avait pas la connaissance. Donc une personne par exemple qui innove, qui fait une adoration que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas enseignée, on lui dit, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait cette adoration? S'il dit non, nous lui disons, alors comment toi peux-tu connaître une adoration que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait pas? S'il dit oui, il la connaissait, alors nous lui disons, alors ça veut dire que le prophète a dissimulé cette adoration, ne l'a pas enseignée. Mais lui dit, mais moi je n'ai pas dit ça. Nous lui disons que ton action indique. Il dit non, pourquoi ça indique cela? Dalalat al-iltizam min al-lawazim. Parce que le fait de faire une adoration que le prophète sallam n'a pas fait, ça implique, même si la personne ne le dit pas, mais son action implique, donc, soit que lui, il pense que la religion n'est pas complète, donc lui, il veut la compléter, ou bien ça implique qu'il pense que le prophète sallam la connaissait. Wa katamaha, voilà, yadu billah. Qu'Allah nous empresse, hacha wa kalla, de dire cela. Donc vous avez vu, les choses qu'on fait ont des implications. C'est ça, dalalat al-iltizam. Mes chers, regardez, maintenant il va nous donner une règle très importante. C'est très pertinent. Il dit, wa'alam, anna lazima min qawli Allahi ta'ala wa qawli rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Ida saha an yakuna laziman fa wa haq. وذلك لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق لأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات. Ensuite, on va revenir sur les différents cas qu'il va citer. Il nous dit ensuite, et sache, anna lazim, que les implications indiquées dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, si celle-ci sont authentiques, إذا صح أن يكون لازما, si il est vrai qu'elles peuvent être signification implicite, c'est-à-dire que la parole d'Allah Azza wa Jal et du messager implique véritablement cela, donc cette implication est véritable et vraie, et dit فهو حق, donc celle-ci est vérité. Donc celle-ci est vérité. Traduit littéralement par « Et sache, sachez que ce qui est signifié par implication dans la parole d'Allah et celle de son prophète, s'il s'avère être véritablement un signifié implicite, c'est-à-dire vraiment une implication indiquée à travers la parole d'Allah ou de son messager, alors celle-ci est vérité. Alors celle-ci est une vérité. Il dit ensuite, en effet, la parole d'Allah et celle de son messager sont vérité. Sont vérité. Alors, si la parole d'Allah et de son messager implique une chose, cette chose-là est vérité. Cette chose-là est vérité. Et il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala, wa alimun, et Allah est le connaisseur de ce qu'implique, c'est-à-dire des implications de ses paroles. Wa kalam rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, et des implications des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fayakunu muradan, et donc cela est voulu. Là, on est dans les choses qui sont des implications, c'est-à-dire de tel verset, de telle parole d'Allah Azza wa Jal, ce verset implique telle et telle chose. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la parole du prophète implique telle et telle chose. Si vraiment cette implication est vérité, ou pardon, si vraiment cette implication est authentique, est véritable, alors elle est vérité. Alors celle-ci est vérité. Et Allah Azza wa Jal est plus savant. Il a la connaissance des implications de ses paroles et des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, il dit, en ce qui concerne les implications des paroles d'autres qu'Allah Azza wa Jal et du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire en dehors des paroles du créateur d'Allah Azza wa Jal et des paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors il y a, en ce qui concerne les implications des paroles, par exemple, des individus, en dehors d'Allah et de son messager, là, il y a trois situations à considérer, trois cas. Il y a trois cas qu'il va énumérer. Trois cas qu'il va énumérer. Mais avant, on va juste prendre quelques points de l'explication. L'explication de cette première partie. Les implications qu'il y a dans les paroles d'Allah Azza wa Jal, les signifiés, par exemple, comme il est dit, c'est implicite, à travers la parole d'Allah et de son messager. Regardez ce qu'il dit, le même auteur dans l'explication. Concentrez-vous bien. Il dit, « هذه أيضا قاعدة مهمة وهي أن اللازم من كلام الله إذا صح أن يكون لازما فهو حق. » Il dit, ça c'est une règle très importante. Les signifiés implicites, ou bien ce qui est indiqué par implication, les impliquer, si vous voulez, à travers la parole d'Allah et de son messager, si elles sont authentiques, alors elles sont vérité. Alors elles sont vérité. فَإِنْ لَمْ يَصِحْ أَنْ يَكُونَ لَازِمًا فَلَيْسَ بِحَقْ. Par contre, s'il n'est pas authentique qu'elles soient des implications de la parole d'Allah et de son messager, alors celles-ci ne sont pas vérité. Alors celles-ci ne sont pas vérité. Est-ce que juste cette règle-là, elle est claire? Elle va être plus claire avec les exemples que l'auteur va donner. Mais jusque-là, déjà, c'est clair. Maintenant, avec les exemples. Regardez ce qu'il dit. Si on lit la parole d'Allah, ou la parole du prophète, et le verset, la parole d'Allah, implique telle et telle chose, et ces implications-là sont vérité. Il n'y a pas de doute sur celles-ci. Alors elles sont vérité. Elles sont authentiques. Alors elles sont vérité. Par contre, si ces implications-là, non, elles ne sont pas avérées. Elles ne sont pas avérées. Alors, elles ne sont pas vérité. Il faut que l'implication, ou pardon, il faut que l'implication soit authentique. C'est-à-dire, le signifié implicite, il faut qu'il soit authentique. Mithal, vous allez comprendre maintenant avec les exemples. Mithal, ma la yassihu an yakuna laziman. Maintenant, il va nous donner des exemples de, par exemple, d'implications qui ne sont pas authentiques. Il dit, qawlu ahl at-ta'til. Par exemple, les négateurs des attributs d'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'il dit, innahu yalzam min ithbat as-sifat ithbat at-tamthil. les négateurs d'attributs, par exemple, qui disent affirmer les attributs d'Allah, ça implique, yelzem, ça implique d'affirmer la comparaison, d'affirmer une forme de comparaison. C'est-à-dire que ça implique, si pour eux, les négateurs, si on affirme les attributs d'Allah Azzajal, ça implique quoi ? Ça implique la comparaison, at-tamthil, de comparer ici le créateur aux créatures. وعلى هذا وجب علينا إنكار الصفات. Et donc de ce fait, ils ont déduit, leur déduction, ça c'est pour eux une implication. Vous avez vu une implication, ce que c'est ? Un signifié implicite. Pour eux, implicitement, ça indique, ça implique, affirmer les attributs d'Allah, pour eux, dans cet égarement, ça implique affirmer la comparaison. Et donc, pour eux, ensuite, il fut obligatoire de nier les attributs. لِأَنَّ التَّمْثِيلِ يَجِبُ إِنْكَارُ. Pourquoi ? Parce que il faut obligatoirement nier toute forme de comparaison. Le créateur ne peut pas être comparé en aucun cas à la créature. Donc, ça impliquait pour eux de nier tout ou tout attribut. لَكِنَّنَا نَقُولُ. Mais il dit, nous disons, cette implication-là, ce signifie implicite pour eux. Est-ce que vraiment, affirmer les attributs d'Allah Azza wa Jal, ça implique la comparaison, التمثيل, là. Donc, est-ce que cette implication-là, elle est authentique ? Non, donc elle n'est pas vérité. Donc, celle-ci n'est pas vérité. مثالٌ آخر. Un autre exemple qu'il donne. قولهم أيضا إذا أيضا إذا أثبت أن الله يتكلم متى شاء لزم من ذلك أن يكون الله حادثا لأن الكلام إذا كان يتجدد فهو حادث والحادث لا يقوم إلا بحادث لكننا نقول لهم هذا لازم باطل وليس بصحيح فقد يقوم الشيء الحادث بمن هو أزلي أبدي لأن هذه أفعال تتبع الحكمة فلا يلزم أن يكون الله تعالى حادثا. Et donc regardez un autre exemple. Et là il faut bien suivre. Un autre exemple. Si une personne vient parmi les négateurs des attributs d'Allah en disant, si on affirme l'attribut de la parole, nous affirmons l'attribut de la parole, c'est-à-dire que Allah Azza wa Jal yatakallam matasha, qu'Allah puisse parler quand il le veut. Lazima min dhalik, regardez le terme, ça implique, qu'est-ce que cela implique ? Ça implique an yakun Allahu haditha, hasha wa kalla, de dire des choses comme ça. Pourquoi ? لأن الكلام إذا كان يتجدد فهو حادث فهو حادث. Pour eux, la parole, c'est quelque chose de nouvellement apparu. Al-hadith, c'est quoi ? C'est une sorte d'incident. C'est quelque chose qui est nouvellement apparu. Hadath, c'est quelque chose qui est une sorte d'incident. Quelque chose qui va apparaître, quelque chose qui va se produire. C'est pour ça qu'on appelle ça nouvellement apparu. Nouvellement apparu, il va parvenir. Donc c'est une sorte d'incident, c'est-à-dire juste avant n'est pas apparu, et lorsqu'ensuite, par exemple, une parole, la parole, c'est une sorte d'incident. Et la parole, c'est quelque chose qui se renouvelle. Il était déjà dead. Donc, il est nouvellement apparu. Et donc, ça veut dire quoi ? Ils disent, ça implique donc que celui qui parle, lui aussi, est comparable à l'accident. Nouvellement apparu. Voilà, yadoubillah, qu'Allah nous préserve de cette forme de pensée. Donc ils ont dit, pour cela, on ne peut pas affirmer l'attribut de la parole. On ne peut pas affirmer l'attribut de la parole. Est-ce que cette implication-là, elle est authentique? Là, elle n'est pas authentique. Donc est-ce qu'elle est vérité? Non. Il faut que l'implication soit authentique. Je vous donne un exemple, par exemple. Certains, par exemple, qui ont juxtaposé la philosophie dans le credo musulman. Par exemple, le fait qu'Allah Azza wa Jal s'est établi, élevé au-dessus de son trône. Au-dessus de son trône. Alors certains qui ont adhéré à la philosophie et ont voulu juxtaposer la philosophie dans le credo, ils ont dit on ne peut pas affirmer l'élévation d'Allah Azza wa Jal à l'istiwa, sur le trône. Pourquoi? Parce que l'istiwa, pour eux, ce qu'on appelle le fait de istaqarr wa sa'ad wa ala wa irtafa'a, c'est dans le sens, et vous retrouvez ça inda kutub as-salaf, chez les premiers, qui disaient que le sens à l'istiwa, c'est le fait de s'élever, wa istaqarr, de s'établir. Donc ils disent le fait de s'élever au-dessus du trône, s'établir sur le trône, c'est quoi? C'est un mouvement. Pour eux, c'est un mouvement. Et ils ont dit, un mouvement c'est quoi? C'est ce qu'il advient de la substance. Pourquoi? Parce que toute substance, il y a ensuite ce qu'il advient de la substance. Et donc, les mouvements, le fait de marcher, toucher, courir, tout ça c'est ce qui advient de la substance. Et ça, c'est tiré d'une ancienne règle de philosophie qui date même de l'époque d'Aristote. Ce qu'ils appellent la substance et ce qu'il advient de la substance. Et donc, il y a une substance et ce qu'il advient de la substance. Et ce qui est considéré comme mouvement, ce qui est considéré, par exemple, le fait de marcher, de toucher, etc., c'est ce qu'il advient de la substance. Mais il faut la substance. Entre autres, ici, la substance serait le corps. Donc, pour qu'il y ait mouvement, toucher ou autre, marcher, courir, il faut un corps. Sahoulala, c'est pour eux la substance. La règle de philosophie dit, et tout corps est créé. Et tout corps est créé. Donc, ils ont dit, Al-Istiwa, c'est un mouvement. Si on l'affirme, il faut un corps. Or, tout corps est créé. Ça implique qu'il faut un corps, or tout corps est créé. Donc on ne peut pas l'affirmer. Mais qui a dit cela? Est-ce que le prophète Hassan m'a enseigné cela? Ces implications-là, que ça implique telle chose, et implique telle chose, elles sont fausses. Le prophète Hassan n'a pas enseigné ces implications-là. Les compagnons du prophète Hassan n'ont pas enseigné ces implications-là. Donc ces implications-là sont fausses. Elles ne sont pas authentiques. قال المصنف. Donc ça, c'est en ce qui concerne la parole d'Allah et de son messager. Si l'implication, elle est authentique, alors elle est vérité. Si elle n'est pas authentique, elle n'est pas considérée l'implication et elle n'est pas vérité. Donc c'est pas toute implication qui est forcément, c'est pas tout signifié implicite qui est forcément authentique. Il faut qu'elle soit authentique pour être considéré comme vérité. Maintenant, en ce qui concerne les paroles des individus, par exemple, les paroles en dehors de la parole du Créateur et du messager, d'Allah Azza wa Jal, les autres paroles des créatures. L'auteur nous dit وَأَمَّا لَازِمُ مِنْ قَوْلِ أَحَدٍ سِوَا قَوْلِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَلَوْ ثَلَثَتْ حَلَاتٍ. Les signifiés implicites, c'est-à-dire les implications des paroles des êtres, des individus, en dehors du Créateur et du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, il y a trois situations à considérer. Et en étudiant ces trois situations liées à l'implicite, on va mieux comprendre qu'est-ce que l'implicite, c'est-à-dire les implications. Al-Ula, an yuzkara lil qa'ili wa yaltazima bi. Par exemple, la première situation, c'est que une personne parle et on lui dit la parole que tu viens de proférer, de dire, ça implique que tu veuilles dire telle et telle chose. Et lui, il se conforme à cette chose, strictement. Il dit naam, et se conforme à cette chose. Par exemple, on dit une chose, et on dit, si tu prétends telle et telle chose, ça veut dire, ça implique telle et telle chose. Et lui, il dit naam. Donc là, on peut lui attribuer cette implication. Là, on peut confirmer l'implication de la parole de cet individu. Et on va remettre, Inch'Allah, à demain, Bismillah, si Allah nous le permet, la suite de cela. La suite de cela.